a dignité que du son. On a décidé de mettre nos idées à exécution. Locaux, la craps. La craps, enfoiré. Hey, yeah, yeah, yeah. En 2000, la crise de l'emploi, c'est la merde. Je décide de m'embaucher moi-même pour empocher la paye. Grand débile, j'attends d'être trentenaire pour déboucher la tête. Je vais du rap précis, seuls ceux qui apprécient pourront hocher la tête. Coincé entre prod et maquette, j'ai décidé de créer Léochrome pour entamer ma quête. Nager le crawl entre les requins et les mackerels. Choisis d'être droit avec les gens plutôt que de cramer ma tête. Décidé de plus hésiter, mais parfois je n'y crois plus. Je boxe avec les mots mais reste en catégorie poids plume. Décidé de plus stagner, certains partners m'ont lessivé. Laissé par terre, je suis plus le même. Fuck le statut de maire, je veux présider. Hashtag David Palmer, prêt à l'ulcère pour défendre mes idées. Y'a pas de lol, j'agis ma parole car Arnold est devenu Schwarzy en faisant des choix de vie. Ce monde est crucial. Chaque choix est crucial. On attend plus le signal, on agit. Pour faire de la magie, tout ne tient qu'à une syllabe. Ce monde est crucial. Chaque choix est crucial. On attend plus le signal, on agit. Pour faire de la magie, tout ne tient qu'à une syllabe. Mec, tu connais, j'crache le tonnerre, j'rentre en cabinet dans ce coup. J'vais être honnête, quand j'rappe, j'ai pas besoin de ton aide ni de ton secours. Mais les manches qu'on parle, le truc est dense entre mes toutes mes peines. Sors d'un profond coma, y'a qu'au mec que j'pense toutes mes plaies. L'impression d'avancer un caillou dans la chose à boitiller. J'ai décidé de rester un dé, pas de faire les choses à moitié. Non, j'ai pas le fric de Ben Affleck, ni la tête à Justine. J'souris, mais c'est pas la fête, bien trop d'affaires avec la justice. Ouais, j'navigue en notre trouble et pour trouver l'inspi, j'me jette à l'eau et j'ai décidé d'arrêter de rouler un spliff dès que j'ai un autre rempli de douleur donc réaliste. Il faut bien l'être à mon âge. Cette vie manque de couleur et de malice. Besoin d'un étalonnage. Enfin j'accentue chaque son, c'est un hommage à mes mots, mes joies, esprit. Pour que mes futurs mondes fassent pas les mauvais choix. J'suis plus indécis, j'manie sans ces précisions. Avec Eloka optime, fais pas l'imbécile. Les mauvaises décisions mènent au chaos. Ce monde est crucial. Chaque choix est crucial. On attend plus le signal, on agit. Pour faire de la magie, tout ne tient qu'à une syllabe. Ce monde est crucial. Chaque choix est crucial. On attend plus le signal, on agit. Pour faire de la magie, tout ne tient qu'à une syllabe.